Hospitalier, le type, là je me fais un kiff. Me motive sur la taille, pas inquiète, c'est l'équipe, c'est la MIFA. Elle laisse ma griffe, progresse, ne me teste pas. Full riff, OHF agresse, tape à la cabessa. Ne prétends pas être le best, issu d'un milieu modeste, jeune de test. Le cadeau ne vaut pas les gestes, hey, cesse de me les casser. J'artais les intrus, au quartier les decks sont jamais les bienvenus. Écoutez, comme le rap tourne en rond, on court à l'abattoir. Notre son est bloqué dans un sens giratoire. William, si son rasoir, tu sais. Mythomane pour la plupart, braillé, provoque des crampes à la mâchoire, ça y est. Vous étiez gris, aigri, tant de haine dans vos récits, sans même un zeste de modestie, dans la trousse à pharmacie. Moi, me revoici, les falches MC, je me les farcis. C'est Tunis, Tunisan qui remet de l'ordre d'ici. Tunisan, First 995 pour la localité. T'inquiète, le style est certifié. Savio, NCC 93 G8. T'inquiète, le style est certifié. Le A, le K, le E, le D, le O, 95 goût. T'inquiète, le style est certifié. Stéco M, C9, 4, rappeur d'instinct, joue pas le juste esté. T'inquiète, le style est certifié. Oh, ma cote monte en même temps que la délinquance. Moi, j'ai la gueule cramée comme ta caisse dans le 93. Tu caillas comme Von Dutch, vas-y nettoie-moi au Karcher. UCF me tient avec un morceau de scotch. Moi c'est ZRF, you Molotov, en live de la CAF. Famille nombreuse, vive la CAF. Écarte pas trop tes jambes, comme la tour Eiffel, elle me sauve. J'ai la boule, soit je la ken ou soit je lui fais des petits bons. J'ai rêvé du soutien-gorge, la statue de la liberté. Je l'ai perdu au concours de grand écart, l'air écaillé. Je suis speed comme un caméo ski qui vient skier. Hardcore comme un vendeur de schnau, faut ski croy. On est saut, tsunami, toujours là, oui. L'album, il va sortir de mes couilles, mixé chez les urgences. J'ai 8, Mr. Molotov, va grouille. T'es comme une pêche dans un concours de Tunisan, Burst 995 pour la localité. T'inquiète, le style est certifié. Savio, NCC 93 G8. T'inquiète, le style est certifié. Le A, le K, le E, le D, le O, 95 coups. T'inquiète, le style est certifié. Stéco M, C9, 4, rappeur d'instinct, joue pas le juste esté. T'inquiète, le style est certifié. Laisse passer l'équipe qui gagne, qui colle, qui croque avant que tu grognes. L'équipe qui claque avec classe, casse ton bec de cigogne. L'équipe adverse flip, frappe en lucarne contre son camp. Choquant ma clique, qu'elle change le mic contre son gland. Mon grand, espère plus pour que j'ai perdu mon plan. Sinon, t'iras chercher mon flow à hauteur du Mont Blanc. 9, 3, 4, 5. Sagro, caca, sagro, caca entre des sauts ou entre des sagros. Steph, you insta rappeur, sniper, fighter. Lève le glaive sur les langues de Viper. On boycotte vos nightclubs à coups de Nike Air. Commerce, commerce, commerce. Prennent feu, c'est la guerre dehors. On te met en miettes et en picore. T'es du côté sarco, une femme de corps. On te nique ta mère dans le décor. 2006 au MC, viens vérifier. Style, vitrine certifiée, c'est ça qui est la vérité. Tunisan, Burst 995 pour la localité. T'inquiète, le style est certifié. Savio, NCC 93 G8. T'inquiète, le style est certifié. Le A, le K, le E, le D, le O, 95 coups. T'inquiète, le style est certifié. Stéco M, C9, 4, rappeur d'instinct, joue pas le juste esté. T'inquiète, le style est certifié, okay. Dans ce rap bis, je suis arrivé en claquette et en calcif. Envoie l'instru, je te la cale, sinon de 4-6. Déterre, j'arrive pépère avec un flow de compète. T'as la conquête du titre, sans prendre la tête, je kick à la belle ex. Là, je vais carré, carré, grosse équipe. J'paiera avec un tablier bouché, j'ai trip. Instrumental, on a le son qui terrorise. Un loup déguisé en mouton postiché dans la bergerie. De 006 coups, encore à 16 coups. Qui va les guesses, tout, sa 4 on baisse, tout. J'rappe à l'instinct, le molotov comme pour ton save you. J'arrive en force pour bousiller le rap save, yo. J'suis venu donner ça comme tous les sales. Tu me vois grand-mère parce que j'ai tout mis dans mon style. Juste pour les faire kiffer, maintenant t'es brief. Le style est certifié, t'es pétrifié. Tunisan, Burst 995 pour la localité. T'inquiète, le style est certifié. Savio, NCC 93 G8. T'inquiète, le style est certifié. Le A, le K, le E, le D, le O, 95 coups. T'inquiète, le style est certifié. Stéco M, C9, 4, rappeur d'instinct, joue pas le juste esté. T'inquiète, le style est certifié. T'inquiète, le style est certifié. T'inquiète, le style est certifié. T'inquiète, le style est certifié. T'inquiète, le style est certifié.